France Inter. Et Charline, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de séries dans une émission de radio enregistrée dans un théâtre. Je pense qu'on pourra pas faire plus méta. En même temps, moi je suis super content d'être à Lille parce que franchement j'en avais marre de faire la révolution à Paris. Parce que le problème quand tu manifestes en même temps qu'une grève des éboueurs, c'est qu'avec la main sur la bouche, personne comprend les slogans. Tu vois, t'es... Personne ne comprend. Donc quand on m'a dit que Charline venait à Série Mania, déjà j'étais un peu surpris parce que Série et Charline, disons que c'est pas les deux mots qu'on associe le plus naturellement du monde. C'est vrai. Grève, militantisme, oui. Sororité, liberté d'expression et Charline, oui. Série et Charline, non, non, non. Hein, faut pas le prendre mal, hein. Je fais ça avec tout le monde. Par exemple, art contemporain, élégance, priapisme et Alex, oui, voilà. Humilité, chasteté et discrétion médiatique et Alex, non, non, ça marche pas. Non. Donc, Charline à Série Mania, c'est un petit peu comme Elisabeth Borne au Salon de la démocratie. C'est possible, hein. Mais j'apprends. Tu l'attendais pas là, quoi. Tu l'attendais pas là. D'autant que les séries, excusez-moi, Série Mania, mais c'est quand même en train de devenir un des trucs les plus élitistes du monde. Parce qu'avec l'explosion des plateformes Netflix, Disney+, Prime Video, Salto, non, pas Salto, je déconne. Plus personne regarde la même chose. Tu peux plus avoir une conversation à la machine à café sans que quelqu'un vienne te casser les couilles. J'ai découvert une série espagnole, Hijo de puta cana, sur un trafiquant cisgenre cubain avec une jambe en mousse qui tombe amoureux d'un agent du FBI américain qui a le syndrome de la Tourette. C'est une mini-série en 4 épisodes de 72 minutes et tu peux voir ça sur Italic. Tu connais pas Italic? C'est une nouvelle plateforme sur le portail d'Apple TV. Tu cliques sur le quatrième onglet. Là, t'as un vieux monsieur qui va te demander un mot de passe qui change toutes les heures. Ils vont te demander ton RIB et le numéro de ton compteur Linky. C'est 26,90€ par mois. C'est génial. C'est génial. Même moi, j'ai compris. Bon, là, il y a pas encore de sous-titres français, mais c'est vraiment la série du moment. Hein. Mais comment tu veux suivre? En ce moment, ils mettent des antivols sur des steaks cachés dans les supermarchés tellement les gens, ils sont en galère. Mais si tu veux suivre légalement House of Dragons, Le Mandalorian et Squid Game, il faut que t'expliques qu'à tes gosses, bah, vous ferez pas d'études. Voilà, c'est comme ça. C'est devenu n'importe quoi. Moi, j'ai une idée révolutionnaire. Et si les séries, on les passait à heure fixe, chaque semaine, sur une plateforme à laquelle tout le monde aurait accès, comme ça, le lendemain, on pourrait en parler à la machine à café ou dans la cour de récréation, et on appellerait ça, je sais pas moi, la télévision. Ah, comme ça, tout le monde... Merci. Comme ça, tout le monde pourrait profiter de la série d'Agnès Hurstel, Jeune et Gaulerie. Alors déjà, Agnès, big up. Vraiment, big up, parce que moi, je suis vieux. Je suis un vieil humoriste. Hein. J'ai connu Gaspard Proust de gauche. Hein. Non. J'ai connu l'époque où on pensait qu'il était de gauche. Je viens d'une époque où les humoristes, ils pouvaient tourner 10 ans avec le même spectacle. Alex peut en témoigner. Il y a des affaires discrètes. Voilà. Il y a des humoristes et pas des spectacles qu'ils avaient, c'était des mandats. Agnès, à 34 ans, 32. Vous avez déjà écrit... 32. 32. Ouais, dans mon personnage à 34 ans. Ok, 32. À 32 ans. Non, mais c'est encore mieux. Vous avez déjà écrit un spectacle, des chroniques, créé votre série, joué dans des films. Moi, j'ai déménagé il y a 7 ans, j'ai encore des cartons pas ouverts. Autant vous dire que, franchement, ta vie, Agnès Hurstel, mais ça me fout de ces complexes. Agnès, tu la laisses seule dans un 200 mètres carrés avec un pot de peinture, tu reviens, t'as le plafond de la chapelle Sistine et un livre sur l'émancipation par la peinture, une autre idée du féminisme. L'énergie que tu as, c'est dingue. Alors, quand on pense à des séries sur des humoristes, on pense évidemment à Seinfeld, à Louis C.K., Larry et son nombril, mais comme pourrait vous le rappeler le camarade Benoît Lagarde, avant ça, il y avait le Dick Van Dyke Show aux États-Unis. Hein, vous savez, le ramoneur de Mary Poppins. En France, vous avez été la première avec Jeune et Gaulerie, puis Drôle de Fanny Herrero, la meilleure version de moi-même de Blanche Gardin et Désordre de Florence Foresti. Et on pourrait se demander qu'est-ce qui peut bien fasciner autant dans la vie d'un humoriste. Eh bien, je vais vous expliquer. Dans Bibi et le Coyote, vous vous souvenez tous de ce moment où le coyote est au-dessus du vide, regarde sous lui, puis regarde de nouveau le spectateur avant de tomber. Eh bien, cette seconde de flottement, ce fragment d'éternité qui précède la chute, où le coyote est le premier spectateur de son triste sort. C'est tout le métier de l'humoriste. Le talent d'une humoriste comme Agnès, ça n'est pas de raconter l'histoire de ses victoires, mais comme le coyote, c'est de savoir si bien mettre en scène ses propres défaites. Frédéric Sigrist. Merci Frédéric. Je pense que vous aimez beaucoup la Nièce. Waouh, je suis bien. Merci. Et c'est mérité, j'adore Coyote.